fixait un point, peu importe lequel, et elle regardait avec un regard doux. L'idée dans l'hypnose, c'est simplement de rentrer en soi-même, de faire abstraction de l'extérieur, et ça se fait tout naturellement et tout progressivement. Donc, quel que soit l'état dans lequel on est au départ, même si on se sent triste, inquiet, tendu, au fur et à mesure, tout ça va se gommer. Et il suffit d'écouter la voix et de se laisser bercer, un peu comme si je vous racontais une histoire. Et puis, à un moment, les yeux se fermeront. Et si vous connaissez déjà bien l'hypnose, ce sera très rapide. Et sinon, ça prendra un peu plus de temps. Il y a des moments où vous allez complètement décrocher, c'est normal, c'est fait exprès, c'est pour vous permettre de vous mettre en vacances de votre cerveau. Et justement, si vous êtes trop en contrôle, trop dans l'émotion, trop dans la réflexion, ce qu'on appelle la secondarisation, eh bien, c'est le bon moment pour oublier tout ça et avoir une vraie pause mentale qui surtout va vous apprendre à être de plus en plus serein. 5. Vous entendez les bruits autour de vous. Ma voix qui va se préciser en vous pour vous guider. Et puis simplement comme ça, le fait de se laisser porter par une voix, par une histoire, comme quand on était enfant et qu'on nous lisait une histoire par exemple, ou même qu'on écoutait comme ça les adultes parler dans la pièce à côté quand ils étaient peut-être encore en train de dîner et qu'on était sur le point de s'endormir. Et bien le fait comme ça de se laisser porter par le timbre d'une voix, d'oublier la multitude à l'extérieur pour simplement se laisser porter par un timbre, une lenteur. Eh bien, cela permet d'initier ce processus d'intériorisation qu'on appelle l'hypnose et qui se traduit au départ par des choses extrêmement simples. Une respiration qui devient plus lente, plus régulière, plus douce. Mais aussi les sensations du corps qui deviennent plus précises, quelles qu'elles soient, là où se porte l'attention, comme sur le contact de l'air, contre le visage, contre les mains. Et puis on se laisse gagner, au fur et à mesure, ça se fait tout seul par ces premières sensations qui apparaissent. Parfois c'est une sorte d'engourdissement, parfois une sorte de lourdeur. En tout cas, la respiration, elle, est un baromètre fiable. Et elle indique la progression, cela que votre respiration est déjà plus lente, plus régulière, et pour lui donner un élan supplémentaire vers le calme, prenez deux inspirations profondes, simplement comme pour vous débarrasser de quelque chose, pour passer d'un temps à un autre. D'un temps pour les autres, un temps que pour soi. D'un temps pressé à un temps calme. D'un temps de veille à un temps de calme et de lâcher prise. Et pendant que les pensées s'accrochent et se décrochent, pendant que les pensées se forment, se déforment, forment d'autres formes, dès que vous le souhaitez, vous pouvez laisser les yeux se fermer si vous le voulez. Prendre encore un peu le temps de se détendre davantage, le temps de sentir cet air calme que vous inspirez, de quelle manière il se diffuse dans les poumons comme des racines de calme, et progressivement, simplement de laisser son corps se détendre, son esprit le fera ensuite, et grâce à cela, de glisser tout doucement, tranquillement vers l'hypnose. 4. Et dans l'hypnose, il y a un processus qui se fait automatiquement. C'est l'inconscient, c'est comme ça qu'on pourrait l'appeler, qui le met en place. C'est lui, par exemple, qui fait évoluer votre respiration, qui la rend un peu plus lourde. Et il le fait sans que vous ayez besoin de prendre le contrôle, de faire des efforts. Si vous faites des efforts, ça ralentit un peu l'hypnose. Et ensuite, eh bien, ce courant de détente se réinstalle à son rythme. Alors il suffit de se laisser porter, de se laisser dériver avec douceur vers cet état de bien-être. Et puis, tout simplement, observer D'abord le corps, le poids des bras, des jambes, du corps entier. C'est comme si tout le corps pesait davantage pour laisser l'esprit s'alléger. Comme si dans un même mouvement, l'esprit s'allégeait pour laisser au corps la lourdeur tranquille, sereine de la transe. C'est ce qu'on appelle la dissociation. L'esprit d'un côté, le corps de l'autre. Et cette progression autonome des sensations. Alors, pour rêver davantage, pour déjà commencer à voyager en esprit, parce que le voyage est très simple. On passe de l'extérieur à l'intérieur. Le monde intérieur, ses sensations deviennent plus précises. Et après, on commence à rêver. Et ensuite, on rentre dans le rêve pour être changé par lui. Alors, il suffit d'imaginer le poids du corps sur le lit ou le fauteuil. Celui-ci solidement ancré sur le sol. Le sol ancré sur, les fondations de cet immeuble, de cette maison. Et on continue à voyager en esprit, plus loin, comme si on s'éloignait du corps. On le laissait à sa lourdeur engourdie et calme pour s'alléger, rêver de cette ville solidement ancrée sur la terre. La terre solidement ancrée dans le système solaire, le système solaire solidement ancré dans la galaxie solidement ancrée dans l'univers solidement ancré dans le temps, et le temps solidement ancré en vous, tandis que vous vous ancrez de plus en plus en transe, dans une transe de plus en plus calme, de plus en plus douce, et sans effort, tout se fait naturellement. 3. L'état hypnotique est un état naturel. Vous le fréquentez souvent lorsque votre regard se perd et que vous rêvassez. Lorsque vous êtes saisi par une idée, lorsque vous imaginez, lorsque vous lisez et que vous rentrez dans d'autres mondes. À tous ces moments où quelque chose en vous se relâche, se met à flotter, et où l'existence semble s'affranchir du temps et devenir simplement douce, agréable, rêveuse. Alors c'est pour ça que j'utilise souvent cette histoire d'un dormeur qui rêvait d'un autre dormeur, qui rêvait d'un autre dormeur, qui rêvait du premier dormeur. Et tous ces dormeurs dormants, rêveurs rêvant des rêves rêvés, avaient tendance à entrer plus en transe, tout simplement. Et dans cette manière de rêver, d'oublier le conscient quelque temps, l'observation, le contrôle, le temps parfois même, et de se laisser porter par ce je ne sais quoi intérieur et différent qui pourtant est vraiment l'essence de ce que nous sommes. L'hypnose, c'est le rêve, mais c'est aussi une manière de communiquer avec soi-même, d'entendre ce que nous souhaitons vraiment à l'intérieur, et de prendre conscience que l'inconscient nous aide à être bien, qu'il y a en nous des ressources pour être profondément apaisé, calme, tranquille. Et pour bientôt, en s'endormant tout à fait du sommeil de la nuit, eh bien, construire le repos, l'apaisement, qui fera de demain véritablement un nouveau jour en cela, qu'il apportera de nouvelles promesses, et que vous le commencerez en vous sentant bien ressourcé. 2. Alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, s'accroche et se décroche. Alors que faire, se faisant se faire, n'être rien d'autre que ce que l'on sait faire. Alors même que pour reprendre cette si jolie phrase d'Erickson, vous savez déjà plus que vous ne saviez que vous saviez. Les yeux fermés, vous êtes dans une transe agréable, très agréable et douce. Et ma voix et votre respiration est simplement le temps qui passe. Tout cela va faire grandir en vous cet état hypnotique, approfondir la transe, cette douceur, ce calme, ce bien-être, et créer un état de lâcher prise, de sérénité, qui bien sûr imprégnera votre nuit pour ensuite se transmettre à la journée suivante. Et je me souviens d'un dessin animé enfant. Ça racontait l'histoire d'une petite taupe qui était myope et qui, sortant de son trou, de son terrier, voyait en face de lui un château magnifique. Et un jour, quelqu'un de mal intentionné lui offre des lunettes pour myope. Et en mettant ses lunettes, la pauvre taupe se rend compte que ce château, ce n'est qu'un tas d'ordures. Et là, quelque chose se casse, une déception. Mais ce qu'il y a de très beau dans cette histoire, ce n'est pas qu'il faut rester aveugle ou myope, c'est qu'après, cette petite taupe jette ses lunettes pour réinventer le monde, le réenchanter et voir quelque chose de plus beau. On peut faire les deux en même temps, on peut avoir un temps pour une vision claire, précise, une observation, et un temps heureux pour peupler le monde de contes, de créatures imaginaires, et chercher peut-être, ce faisant, davantage de beauté, davantage de douceur, davantage d'humanité à notre quotidien et à la vie telle qu'elle s'offre à notre regard. Alors voyez simplement, écoutez la voix, se laisser porter ainsi, et l'état hypnotique se renforce. Et alors les moments où la pensée, eh bien, oublie de penser parce qu'elle se perd entre des mots et leur perception consciente ou inconsciente. Lorsque finalement, une sorte de tissu, de causalité entre donc d'un côté les causes et les conséquences, qui semblent non pas se mêler mais parfois s'inverser, et dans cette sorte de flou, peut-être parfois même d'opposition, dans ce champ de confusion, se crée quelque chose de merveilleux. Alors, de pensée en pensée, ou plutôt maintenant de rêve en rêve, car c'est bien comme ça que l'hypnose procède. Lorsque finalement tout en nous devient symbole et que tout nous change, et les yeux se ferment ou restent fermés sur la transe la plus douce, la plus calme. Tranquillement allongé, assis, se laisser porter, de devenir d'une manière consciente qu'oreille, mais les yeux fermés, pouvoir commencer à voir, percevoir, ressentir, entendre l'infinie richesse intérieure de l'inconscient. Alors, j'aimerais que votre inconscient vous fasse vivre tout simplement les plus magiques lunettes qui existent, des lunettes roses, des lunettes magiques pour voir la vie en rose, des lunettes qui sélectionnent dans le monde autour que ce qu'il y a de beau, de joyeux, que ce qui est porteur d'espoir, de sourire, de beauté. Et vous le verrez, ces lunettes sont encore plus magiques que cela, en cela qu'elles peuvent projeter dans le monde vos rêves. Rajoutez au monde à son âpreté, à sa dureté, à sa cruauté parfois, des idées merveilleuses, des images merveilleuses. Et ne soyez pas étonnés si, au fur et à mesure que vous ferez cette séance, si possible comme ça, de nuit en nuit, pour gagner en efficacité dans le travail, ne vous étonnez pas si vous commencez à nouveau à imaginer des choses comme lorsque vous étiez enfant, des « et si », des histoires. Ne vous étonnez pas non plus si de nouveaux goûts apparaissent, si vous retombez un peu en enfance, si vous vous mettez à lire, voir des séries, des films, pourquoi pas, des dessins animés, ou faire des activités simplement parce qu'elles enchantent en vous l'enfant qui n'a jamais disparu. Alors, prenez le temps de chausser ces lunettes et observez simplement ce que ce changement de couleur crée autour de vous. J'aimerais que vous puissiez vous regarder avec cette douceur, que vous puissiez voir la vie en rose comme dans la chanson de Piaf, que vous puissiez voir cette chose extraordinaire qu'un être pensant qui goûte au calme, à la quiétude et qui, dans son fort intérieur, est capable de recréer un monde. J'aimerais que vous puissiez voir la beauté saisissante de ce qu'est votre conscience, l'inépuisable trésor qu'est votre imagination et la merveilleuse mécanique qu'est simplement un corps. Des mains pour créer, des mains pour écrire, des mains et des bras pour serrer ce que l'on aime contre soi. On oublie ces simples merveilles du quotidien. On oublie quelle qualité c'est d'être curieux, ouvert au monde. Quelle qualité c'est aussi de savoir douter de soi pour ne pas toujours n'être que ses préjugés. On oublie quelle merveille nous sommes. On oublie le droit à la douceur que l'on donne aux autres. Et si pour une fois, avec ces lunettes roses, vous donniez la même mansuétude, la même douceur, la même compassion que vous avez pour les autres, donnez à cet être le droit à l'erreur. Observez son courage, observez sa force, sa dignité, observez sa singularité et réjouissez-vous de l'inépuisable créativité de votre imagination. Et ceci étant, j'aimerais simplement que vous regardiez avec ce regard nouveau. Eh bien, la chambre autour de vous, peut-être les gens qui ne sont pas loin, et que vous puissiez voir aussi leur touchante beauté, que vous puissiez percevoir aussi de quelle manière votre personnalité, votre esprit, votre âme, quel que soit le nom que l'on donne à cela, imprègne ces lieux. Alors oui, quand on se rend compte de la marque que l'on crée dans l'existence, de sa singularité, on peut apprendre à être plus en paix avec soi-même. Alors maintenant, défaisons-nous des règles trop lourdes du quotidien. Défaisons-nous de cette idée qu'il ne faudrait pas retomber en enfance, qu'il faudrait être sérieux, tout le temps courageux, rationnel. Considérez cette hypnose comme un temps de vacances, un temps de liberté. Et de la même manière que dans toutes les sociétés, même les plus restrictives, il y a toujours des sortes de carnaval, des moments pour tout relâcher, eh bien, considérez ce temps d'hypnose comme un temps de liberté, un temps d'imagination, un temps de renouveau. Vous n'en serez que plus fort et plus vous-même dans votre vie. Alors comment allez-vous sortir de chez vous? Allez-vous simplement vous vêtir d'aile et vous envoler par la fenêtre? Allez-vous, comme dans la nouvelle de Marcel Aimé, le passe-muraille, devenir immatériel et traverser les murs? Ou bien allez-vous ouvrir la porte à quelques animal mythique et merveilleux, un phénix, une licorne, peu importe, et chevaucher cette monture pour déjà sortir de l'ordinaire, vous autoriser absolument tout et vêtir le monde du manteau de votre imagination. Un manteau bariolé, un manteau de beauté. Alors, faisons simplement un tour près de chez vous et laissez votre imagination, votre inconscient, peupler ce monde selon votre fantaisie. Avez-vous peut-être envie que la ville devienne une sorte de jungle, comme dans les tableaux du douanier Rousseau, avec des tigres, des éléphants, des perroquets bariolés? Ou bien avez-vous envie de vous retrouver dans un monde de fantaisie, un monde peuplé d'elfes, de nains, de créatures, d'animaux parlants, par exemple? Avez-vous envie d'imaginer que la ville et tout ce qui vous entoure se retrouverait comme ça, sous les eaux, et nous vivrions, créatures aquatiques, dans un monde scintillant d'algues ondoyant? Vous êtes-vous déjà amusé à imaginer que la gravité disparaissait et que l'on pouvait comme ça, soit un peu comme sur la lune, faire de grands sauts, ou bien voler tout simplement, se projeter d'un mur à l'autre, d'un immeuble à un autre? Laissez votre inconscient comme cela créer tant de fantaisies et de beauté et d'amusement que votre âme entière s'en sentira réconfortée. Quand vous sourira à nouveau et de plus en plus l'enfant qui n'a jamais disparu, les images, les sons, les sensations vont se préciser. Et observez comme tout change. Observez comme tout peut devenir merveilleux. Pas uniquement ce que votre imagination est en train de rajouter au monde et que vous retrouverez aussi dans la vraie vie le lendemain en croisant ces lieux, mais aussi parce que on peut retrouver l'une des plus belles qualités, une qualité que nous avons tous, et qui est l'émerveillement. Peut-être quand vous étiez petit, aimiez-vous comme moi la nuit, regarder les lumières de la ville, les lumières des voitures, un peu comme les lumières à Noël dans un sapin. Peut-être étiez-vous fasciné par la comédie humaine qui se passait devant vos yeux, touché par la vieillesse, ému par les enfants. Peut-être aviez-vous l'envie d'être un héros, une héroïne, envie de changer le monde. Laissez cette partie aussi s'exprimer en vous maintenant. Elle a le droit d'exister. Elle vous est nécessaire. Elle n'est que bienveillance. Et croyez-moi, ce ne sont pas des enfantillages. Car si on commence à oublier tout cela, on s'enferme dans quelque chose qui vieillit davantage que le corps traversé par le temps. Ouvrir son imagination et continuer à voguer comme ça dans ce monde que vous créez tout autour de vous. Et bien sûr, à un moment, au fur et à mesure, vous allez vous retrouver totalement dans le monde des rêves, dans un monde de fiction, de joie, d'imagination. Et c'est très bien, car ce monde va vous rapprocher de celui de Morphée, de celui de la nuit, des rêves de la nuit. Et apporter avec eux encore plus de réconfort, d'insouciance, de joie, de légèreté. Redonner finalement des bulles à l'esprit qui parfois, par la vie, s'alourdit. Alors laissez donc ces images, ces sons, ces sensations se préciser. Et observez de quelle manière vous pouvez être surpris par ce qui apparaît devant vos yeux. Eh oui, ce n'est plus vous qui, par la force de la pensée consciente et pesante, poussez les idées comme on pousse, eh bien, quelques véhicules lourds devant soi. Non, ici tout se crée spontanément, comme dans le rêve. Et de fois en fois, à mesure que vous répéterez cette séance, vous retrouverez peut-être ce même rêve, mais enrichi, plus beau, plus vrai, plus coloré, plus vivant. Ou peut-être allez-vous, en fonction de vos besoins, et bien entrer dans des mondes complètement différents. Pour ce qui est de nos peines, l'inconscient connaît les baumes. Et si vous l'écoutez, il vous l'offrira très généreusement. Alors oui, là-bas, le corps est lourd et calme. L'esprit conscient déjà, endormi, au moins engourdi. Et l'inconscient, lui, qui voit en technicolore, qui voit avec plus de couleurs, plus d'imagination, un monde par lui-même créé. Un monde fait de rêves, de contes et d'histoires. J'aimerais vous inviter dans ce monde qui s'est créé autour de vous, eh bien, à retrouver la joie du déguisement. Souvenez-vous comme il était amusant de devenir prince, princesse, chevalier, cosmonaute, peu importe. Tout était accessible. Eh bien, ici aussi, devenez pour un temps haut. Prenez un déguisement doux et inventez une vie qui aura pour vérité cela qu'elle vient de vous. Nous sommes infinis. Il y a en nous des héros. Il y a en nous des écrivains, des artistes, des musiciens. Il y a en nous des rêveurs. Et au moins, dans ce lieu secret et merveilleux qu'est votre inconscient bercé par l'hypnose, autorisez ces facettes, autorisez-les à s'exprimer. Qu'avez-vous envie de devenir? Voulez-vous pour un temps devenir une créature légendaire, un kraken, un dragon, un hippogriffe ou quelque autre créature merveilleuse, une licorne, pourquoi pas, un yéti, que sais-je? Bien, voulez-vous devenir un super-héros, un combattant, un artiste? C'est vous qui choisissez, ou plutôt c'est votre inconscient qui sait pour vous la légèreté dont vous avez besoin, ce qui en vous mérite de renaître, mérite de pousser, grandir, et faire naître de belles choses dans votre vie de tous les jours. Vous êtes infinis, nous sommes tous infinis. Et pour reprendre la devise du capitaine Nemo, dans les livres de Jules Verne, Mobilis in mobile, le mouvement dans le mouvement, faire semblant, se déguiser, laisser apparaître d'autres facettes de soi, c'est commencer à agir différemment, et en agissant différemment, se transformer tout à fait sûrement. Alors ne soyez pas étonnés par ces changements que vous percevrez, des changements finalement si naturels dans votre vie, qui vous pousseront à agir avec plus de richesse, de complexité, de nouveauté, et qui continuera à vous changer en cela que simplement vous vous sentirez de plus en plus vous-même, merveilleusement vous-même. Alors, laissez ce monde se préciser encore pour vous. Pour copier le titre de ce film, eh bien, vous pouvez avoir un ciel de vanille ou un ciel rose. Les nuages peuvent prendre la forme de vos rêves. Et au détour de chaque rue, de chaque chemin, de chaque nouveau paysage, une nouvelle aventure vous attend, et aussi peut-être l'évidence d'un conseil, d'une sagesse intérieure que vous portez en vous, et qu'ici vous aurez la chance de rencontrer et d'écouter. Il était une fois, vous, et prenez juste le temps, là maintenant, de prendre une pause et d'observer la merveille que ce monde crée par vous-même. Et un monde aussi riche, aussi merveilleux, aussi profond, aussi vivant, aussi vibrant. Croyez-vous qu'il puisse venir d'autre chose que d'un être tout aussi merveilleux, mais qu'il oublie trop souvent? Et cette pause faite, partez à la conquête de votre monde intérieur. Votre nuit sera douce et tranquille, car votre inconscient ayant parlé, Vous pourrez trouver dans le silence de la nuit la douceur de rêves nouveaux. Votre inconscient ayant été écouté, demain, vous pourrez davantage suivre les indications qu'il vous donnera. Alors oui, la nuit sera tranquille, l'esprit, le corps apaisé, et le sommeil viendra tout seul. Tranquillement, sereinement, toujours de plus en plus en soi-même. Et à partir de maintenant, ma voix, comme par pudeur, va se retirer, laisser davantage de silence, pour que les merveilles de votre esprit prennent toute la place, donnent au monde toute la magie que vous pouvez y mettre, toute la beauté, tout l'espoir. Alors oui, le corps là-bas, sa respiration est déjà profonde, celle d'un dormeur, et il glisse tout doucement vers le royaume de Morphée, et le sable depuis longtemps du marchand de sable est venu picoter ses yeux, les fermer, et laisser le corps s'alourdir pour que l'esprit lui allégé rêve avant les rêves de la nuit, rêve les rêves les plus merveilleux, et que de ces sons change votre vie, apparaissent de nouvelles facettes, de nouvelles surprises. Alors oui, le corps est toujours plus serein, et l'esprit libre va pouvoir continuer à marcher, nager, voler, flotter dans ce monde de rêves, jusqu'au sommeil. Et ce qu'il y trouvera, en plus de la paix du corps et de l'esprit, il ne s'en rendra pas consciemment compte. Ce ne sera que plus tard qu'il se dira: ah oui, quelque chose a changé, et je suis maintenant plus proche de ce que je suis. Je suis moi. Et c'est déjà merveilleux. Alors, dans la douceur de la nuit, le corps alourdi et tranquille s'endort, et votre esprit continue à rêver jusqu'aux portes du sommeil.